pas de loi dans le jeu. Chut. Mais ça n'est pas un loi. Mais ça n'est pas un cul. Ce sont les atomes crochés. Ce sont les atomes crochés. J'ai trois pattes. Trop vécu. Je suis venu.